N'oubliez pas de bien attacher la ceinture à vos enfants, parents, c'est pour leur sécurité. Donnez-leur leur petit cœur, il leur sera demandé pendant la marche. N'oubliez pas de bien attacher la ceinture à vos enfants, c'est pour leur sécurité. Donnez-leur leur petit cœur, il leur sera demandé pendant la marche du manège. Merci. Attachez bien la ceinture à vos enfants, c'est pour leur sécurité. Donnez-leur leur petit cœur, il leur sera demandé pendant la marche du monde. Merci. Alors, les enfants, dites-moi, vous êtes bien attachés? Vous avez votre petit cœur. Alors attention au départ. Il faut l'attacher, monsieur. Comment il... Voilà. Alors, amenez-le à l'autre manège, il voudra peut-être lire l'autre manège, monsieur. Allez, c'est parti. Attention au départ. Amenez-le à l'autre manège. Allez, c'est parti. Attention au départ. Thank you.